finish our race on time. Ah, vous êtes chiant les mecs à vous moquer. Qui c'est qui a joué du Toto? C'est pas moi en plus, hein. Jazz, il y en a marre du jazz. Bon, j'arrête. Stop. Attendez, que je trouve ma, du mix solitan là, je sais pas quoi. J'aime bien la gamme mix solitan. C'est trop dur. Attends, je l'ai trouvé. Le mix solidien. On va faire une chanson en mix solidien. Sauf que je suis pas encore. J'ai pas encore compris la gamme. Alors, je vais faire une gamme mix solidien. Alors, corde de mi à vide. Quand tu veux, Benji. C'est très. Non, c'est pas du tout ça. Bon, je vais la travailler. Hein. Je vais travailler mon mix solidien. Alors. Tac. Bon, je vais retourner travailler.